Bonjour, c'est Claire de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com/podcastscience et de faire un petit don. Ou même un tout petit. Hein. Pour même pas le prix d'une tablette de chocolat par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission. Bonsoir. Les épisodes de Podcast Science peuvent être envoûtants comme les mille et une nuits. Surtout lorsque c'est Topo qui vient nous conter des histoires qui ne sont absolument pas des fables, mais bien des histoires captivantes d'animaux fascinants. Ainsi, ce soir, écoutons avec délectation le récit des mille et une petites pattes chez nos amis les insectes. Nous sommes le mercredi 15 janvier de l'an 2020. Vous êtes dans Podcast Science, émission 397. Bienvenue. Ce soir, c'est moi, Irène, qui vais avoir le plaisir de vous présenter cette émission. Et au point de vue de notre table virtuelle, nous avons Pascal à la technique depuis le nord-est de la France. Bonsoir tout le monde. Nous avons Topo depuis Paris. Hello. Et enfin, nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Voilà, et bien comme annoncé dans l'introduction, ce soir nous allons parler insectes et c'est Topo qui nous fait le dossier. Topo, c'est à toi. Très bien. Alors, je vais commencer ma petite présentation par un petit retour dans le temps. Hein. Les auditeurs qui, comme moi, sont nés dans les années 80, reconnaîtront probablement la célèbre pub suivante. On ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Alors, contre les il y a bégon jaune et contre les il y a bégon vert. Bégon jaune, bégon vert, entre gris. Alors, comme vous pouvez l'entendre, hein, c'est très daté et un condensé de tout ce dont on peut avoir honte de la France des années 80, hein, l'usage sans réflexion des insecticides, l'emploi du mot « droguerie » et surtout Michel Leeb. Mais au visionnage de cette vidéo, ce qui irritera plus d'un adepte d'entomologie, c'est le fait que l'animation d'un pulvérisateur de bégon vert marchant tel un insecte aura été réalisée en dotant le dit pulvérisateur de 8 pattes au lieu de 6. Horreur ! Aussi, vous propose ici d'une pierre deux coups, hein, si vous me permettez l'expression, donc de tourner définitivement la page des embarrassantes années 80. En cela, je suis bien content de constater que la mode des années 80 semble mourir de la mort lente qu'elle mérite. Et enfin, d'enterrer par là même toutes vos idées erronées sur la locomotion des insectes. Alors, emboîtez-moi le pas et déambulons ensemble à la découverte des appendices locomoteurs des hexapodes, à commencer par ceux qui font... à savoir les pattes. Des pattes, cela n'a rien d'exceptionnel chez les arthropodes, le groupe dans lequel on retrouve les insectes, mais aussi des crustacés, des araignées ou encore des experts S-pattes, les fameux myriapodes, nos fameux centipèdes et millepattes. Par contre, les pattes des insectes ne se retrouvent pas n'importe où sur leur corps. En effet, le corps d'un insecte s'est divisé en trois grandes parties, qu'on appelle les tagmes pour faire stylé, et qui sont successivement la tête, le thorax et l'abdomen. Et chacune de ces parties, chaque tagme, est composée de plusieurs segments abdominaux, plusieurs segments de la tête, et bien entendu, plusieurs segments thoraciques. Or, seul le thorax porte des appendices locomoteurs de type patte chez les hexapodes, le groupe qui contient les insectes. Il est donc temps d'interroger mes acolytes podcasteux et de leur demander, chez les hexapodes, à votre avis, combien dénombre-t-on de segments thoraciques ? 42. C'est faux. Moi j'ai lu le dossier, alors. voilà, 3. Aventure-toi dans une réponse, voilà. 3. Très bien. Et oui, hexapode signifiant 6 pattes, il y a donc bien 3 paires de pattes, et sachant que chaque segment thoracique ne porte qu'une seule paire de pattes, cela fait que les hexapodes sont caractérisés par un tagme central contenant trois segments thoraciques qu'on nomme, partant de la tête, le prothorax, pro signifiant à l'avant, le mésothorax, méso signifiant au milieu. Tiens, on fait un petit peu d'étymologie. Méso, ça, on peut le retrouver par exemple dans Mésopotamie. C'est le royaume au milieu des potames, les fleuves. Hein, donc méso au milieu, potame, les fleuves. On retrouve potame dans hippopotame. On peut aller très très loin là-dedans. Donc hippopotame. Voilà. Non, c'est hippopotame, c'est le cheval des fleuves. J'y avais jamais pensé à celle-là. Et voilà. Et non, pas du tout petit potame. Petit fleuve. Bref, donc on en était au prothorax, segment à l'avant, mésothorax, segment au milieu, et enfin le métathorax, méta signifiant après. Et donc on nommera les paires de pattes selon le segment thoracique qui les porte, pattes prothoraciques, pattes mésothoraciques, et enfin les pattes à l'arrière métathoraciques. Et à quoi ressemblent-elles ces pattes de mouche? Eh bien, comme chez tous les arthropodes, il s'agit de pattes articulées, ce qui signifie à vrai dire qu'elles sont composées de plusieurs articles, hein. Pas du fait qu'elles soient articulées dans le sens d'avoir des articulations, parce que nous aussi, nos appendices sont articulés, ils comportent des articulations, mais par contre, ils ne sont pas faits de véritables articles, c'est-à-dire de segments distincts les uns des autres. Donc, pour désigner l'anatomie d'une patte d'insecte, les entomologistes se sont amusés à leur fournir des noms évoquant l'anatomie de jambes d'humains. En partant du thorax et en s'éloignant du corps, on retrouvera donc une hanche, ou coxa en latin. On retrouve ensuite cette hanche est prolongée par un trochanter et un fémur, puis un tibia, suivi de plusieurs segments formant ce qu'on appelle un tarse, qui se termine par des griffes, ou le prétarse. Alors, pour ceux qui se demandent, moi je ne savais pas ce que c'était qu'un trochanter et je ne voyais pas le rapport avec les humains, mais nous possédons un trochanter, puisqu'il s'agit des structures qui se trouvent à l'extrémité du fémur, du côté de la hanche, juste avant le col et la tête de l'os. Et ça ressemble à quoi, du coup? De quoi, le trochanter? Bah, c'est si tu vois le fémur, tu as la grosse boule, tu as le col qui est la sorte de constriction, et juste avant ce qui est cylindrique et qui forme l'essentiel du fémur, tu as une sorte de rigidité, de tubercule qui forme ce qu'on appelle le trochanter. Donc c'est vraiment ça les différentes parties de la patte d'un insecte et donc par extension, par analogie, celle d'un humain. Alors cela ne devrait pas vous surprendre, mais le mode de locomotion qui est privilégié quand on est doté d'autant de pattes, c'est bien entendu la marche. Mais alors attention, la marche, elle pourrait tout à fait être subaquatique ou terrestre. Pour vous en convaincre, observez la fière marche d'un homard sur le fond marin, qui devait grosso modo ressembler à celle des premiers arthropodes qui déambulaient sur le sol marin il y a près de 540 millions d'années de cela. Plus de 100 millions d'années plus tard, d'aventureux arthropodes s'aventuraient sur la terre ferme, là où il y avait déjà des plantes, hein, pour faire plaisir à Elia, et même peut-être certains champignons, mais absolument aucun animal. Donc ce sont donc eux, les premiers animaux colonisateurs des continents émergés, il y a 428 millions d'années, et non les vertébrés dont le plus vieux fossile trouvé qui avait traîné sa bedaine sur le sol était tictalique, il y a 375 millions d'années. À vrai dire, le plus vieil arthropode terrestre retrouvé, c'est un myriapode, donc cousin des mille pattes, et sa marche repose donc sur de nombreuses pattes. Mais comment un insecte, ça marche par rapport à un myriapode? Avec six pattes, quelles sont celles qui se lèvent et celles qui touchent le sol pendant leur balade? Eh bien, je vous invite à vous approcher de plus près la prochaine fois que vous vous baladerez dans la forêt et que vous croiserez le chemin de celui d'une fourmi, par exemple, et de vous placer juste au-dessus de l'une d'entre elles, et vous pourrez constater que, en marche, elle ne repose chaque fois que sur trois pattes. Les deux pattes pro et métathoraciques d'un côté, donc que ce soit le côté gauche ou droite, donc que ce soit une patte avant et une patte arrière, et la patte mésothoracique de l'autre. Cela fait qu'il y a une alternance de trois points d'appui, leur conférant une marche par succession de positions dites en trépied. Donc ça fait comme deux triangles, comme ça, qui s'alternent, deux tripodes, et qui leur permettent d'avancer. Mais dans de très rares cas, vous pourrez trouver des insectes qui, pour changer d'allure, et courir plus vite, eh bien, vont utiliser peut-être quatre pattes arrière, voire pour le cas assez exceptionnel d'une blatte qui a été filmée en avec une caméra très très rapide pour avoir un ralenti, il y a une blatte dont on a observé et documenté une course bipède, c'est-à-dire une blatte qui s'est prise pour Usain Bolt et qui, des chercheurs l'ont mis sur une sorte de tapis roulant pour pouvoir voir comment elle courait, et elle s'est mise à courir sur deux pattes. Donc c'est quand même assez remarquable. Mais ce ne sont pas les seules prouesses athlétiques dont sont capables les insectes, car du fait de leur succès évolutif et leur incroyable diversité, la nature a doté certaines espèces d'insectes de capacités pour devenir experts fouisseurs, experts sauteurs ou encore nageurs. Allez hop, on va aller voir ça au pas de course. Je ne sais pas si vous avez récemment maté les guiboles que se paient les grillons, criquets et autres sauterelles, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le galbe des pattes arrière de ces bestiaux est autrement plus impressionnant que celui des pattes de mouches ou de cafards. Et s'ils ont des jambonneaux à faire verdir d'envie Richard Virenque, c'est qu'il s'agit de puissantes pattes métathoraciques, les pattes arrière, si vous avez bien suivi, et qui sont adaptées aux cabrioles. Déjà, il y a la forme en Z et la longueur des pattes qui vont offrir à l'insecte une détente du feu de Dieu, ce qu'on peut notamment observer en détail lorsqu'on filme le saut de ces insectes au ralenti. Et puis, ces pattes métathoraciques hypertrophiées constituent une des caractéristiques du groupe des orthoptères, le groupe dans lequel on retrouve les espèces apparentées des sauterelles, criquets et grillons. Mais ce ne sont pas les seuls adeptes du mode de locomotion saltatoire, le fait de se déplacer en sautant, et l'on retrouve des pattes de compète chez les amateurs de saute-mouton, que sont les puces, mais aussi certaines sortes de punaises, comme les fulgores ou les membracides. Encore un coup de ce qu'on appelle la convergence évolutive, c'est-à-dire le fait d'avoir différentes manières évolutives d'arriver au même résultat. Alors, chez toutes ces espèces, on peut établir une règle empirique selon laquelle les pattes qui propulsent l'animal, les pattes arrière, donc, pour éviter de sauter à reculons, hein, si c'était les pattes avant, eh bien, ces pattes arrière mesurent au moins deux fois la taille des pattes avant, qui sont, elles, utiles pour réceptionner l'animal en fin de bond. Et pour découpler leur saut, la plupart de ces insectes accumulent une substance élastique dans leurs pattes, une substance qui porte le nom de résiline et qui permet de stocker de l'énergie mécanique à relâcher au moment du saut, un peu comme un système de ressort. Mais toutes ces espèces ne sautent pas exactement de la même manière. Et pour déterminer quelle est la partie de la patte qui propulse l'animal, les chercheurs doivent réaliser des films avec des caméras, encore une fois, ultra rapides, à l'instar de ces chercheurs de Cambridge qui ont analysé des films de saut de 51 puces de hérissons pour déterminer que celles-ci utilisent leur bout de patte, je vous rappelle ce qu'on appelle des tarses, pour appuyer sur le sol et bondir littéralement à plus de 18 cm en hauteur, soit 180 fois leur taille, le record absolu du saut le plus haut du règne animal. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà vu une puce sauter en ralenti, mais c'est complètement hallucinant de voir ces animaux. Quand on les voit en ralenti, on a une certaine décomposition du mouvement, mais moi, ce que j'aime bien, c'est regarder les vidéos à l'avance, justement, celles qui ont été obtenues, et généralement, on voit la puce, et l'image d'après, on la voit plus. Donc, c'est genre, ah, il y avait donc une puce. Donc, il faut imaginer ces pauvres chercheurs qui ont dû réessayer leur film 30 000 fois pour avoir exactement le bon visionnage, la bonne capture de ça. J'ai une question. Alors, Pierre. Tu as dit résiline qui finit par ine. Oui. Du coup, ça a réveillé mon instinct de biologiste. Et c'est quoi comme substance, la résiline? C'est une protéine? Oui, tout à fait, c'est une protéine, c'est-à-dire que les cellules de cet animal sont capables de synthétiser cette protéine qui s'accumule donc sous forme protéique dans différentes parties de la patte pour leur conférer la capacité. Donc c'est une protéine qui forme une sorte de polymère élastique. Donc c'est une espèce de protéine caoutchouc comme ça. Mmh. Nous, on a certaines protéines, par exemple, qui peuvent s'accumuler les unes aux autres, notamment la protéine qu'on appelle le collagène, et qui forme la fibre de la matrice dans laquelle baignent nos cellules, qui est très très importante pour garder l'élasticité de notre peau, n'est-ce point ? Mais la résiline, c'est une autre protéine qui, elle aussi, est capable de faire des fibres, sauf que cette fibre-là, c'est beaucoup plus élastique, et quand, en fait... la puce ou n'importe quel insecte qui a de la résiline va appuyer avec des muscles sur des structures faites en résiline, celle-ci va se déformer un peu comme un truc en caoutchouc, et dès que la pression est relâchée, ça part et ça propulse l'animal dans la direction. Et est-ce que tu sais si c'est une protéine qui existe uniquement chez les insectes, ou est-ce que c'est une protéine qui est proche d'autres protéines que nous on a encore ? Non, c'est quelque chose que je ne sais absolument pas. Donc je te remercie de m'avoir posé la question, et ça me permettrait de rechercher. Si je ne m'abuse, à mon avis, c'est une protéine qui est spécifique aux insectes. Intuitivement. Mais voilà. Très bien. Donc, ce qu'il faut se représenter, c'est que, un, il y a la forme des pattes, deux, la composition des pattes, notamment avec cette protéine de la résiline, et ça confère à beaucoup d'animaux la possibilité de se propulser dans les airs, et ça représente une accélération énorme, et mieux vaut que cette propulsion soit contrôlée pour éviter de sauter n'importe où. Donc, chez les larves, par exemple, des cigales bossues, sont des insectes qui portent le nom de plant hopper en anglais, donc sauteurs sur plantes. Donc, chez ces larves de cigales bossues, il est impératif que les pattes propulsives s'étendent de manière synchronisée, et une récente étude anatomique détaillée a révélé que cette synchronisation, elle était permise grâce au trochanter de leurs pattes. Donc, je vous rappelle la partie qui est coude à coude avec les fémurs de leurs pattes postérieures, et qui présente des sortes de rangées de dents capables de s'imbriquer les uns dans les autres, enfin, donc les dents les unes dans les autres, et donc de constituer une sorte de système d'engrenage biologique. Mécaniquement, quand une patte initie le mouvement, elle embarque avec elle sa voisine, et donc c'est véritablement, quand on les voit justement en image, c'est assez remarquable, on a vraiment l'impression de voir un engrenage tel qu'on pourrait le voir dans une montre si on ouvrait, et dès qu'une des pattes est activée, l'autre patte immédiatement s'active elle aussi, et donc ça permet d'avoir une synchronisation digne des Jeux Olympiques. Donc, d'un point de vue évolutif, la nature n'a pas attendu les humains pour inventer l'engrenage. Ça, c'est la leçon qu'on peut avoir. Alors, pour pouvoir le trouver, d'ailleurs, cet engrenage, il fallait tout simplement chercher sous la jupe des insectes. Après, cette structure est transitoire, car uniquement présente chez les larves, qui régénèrent les dents de l'engrenage à chaque mue. Il faut s'imaginer qu'à chaque fois qu'elles sautent, ça risque de péter les dents. Et chez l'adulte, en fait, c'est juste simplement l'adhérence entre les hanches, les coccées des pattes, qui assure la synchronisation des détentes au moment du saut. Alors, juste pour revenir sur les proportions de la patte, puisque c'est une règle que tu as mentionnée avant, que les pattes arrière étaient deux fois plus longues que les pattes avant. Quelqu'un demande dans la chatroom, écoutant, s'il y a un modèle mathématique physique qui explique cette loi. Je ne sais pas s'il y a un modèle mathématique physique qui explique cette loi, mais en tout cas, c'était une règle empirique. En biologie, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, c'est-à-dire que vous avez des biologistes qui vont mesurer 12 000 spécimens appartenant à des espèces différentes qui sont capables de sauter, et déterminer si telle ou telle proportion se vérifie. Et en l'occurrence, ça se vérifie chez la plupart des insectes sauteurs, donc avec deux fois plus grand. Mais pour le modèle mathématique, ce serait intéressant, notamment, j'imagine que la plupart, en fait, des études de locomotion sur les insectes, elles ont été faites par des biophysiciens qui essayent notamment d'obtenir des modèles mathématiques pour pouvoir expliquer. L'expérience dont je vous ai parlé à l'instant tout à l'heure sur les puces, par exemple, pour pouvoir déterminer que c'était sur le bout des pattes que les puces appuyer pour pouvoir se propulser, il y avait deux manières d'arriver à confirmer ce résultat. Parce qu'en fait, quand une puce est au repos, il y a deux structures qui sont contre le sol. L'extrémité des pattes, les tarses, et la hanche, les coccas. Et donc, l'un ou l'autre aurait pu permettre de propulser l'animal. Soit la coccas, soit la hanche, soit l'extrémité des pattes. Et pour pouvoir savoir laquelle de ces structures correspondait véritablement à l'élément impulseur du mouvement saltatoire, eh bien, il y a eu deux lignes de preuves qui ont été réalisées par les chercheurs qui ont confirmé ces résultats. L'une, c'était les films au ralenti, et l'autre, c'était des modèles mathématiques en reproduisant dans un ordinateur la forme des pattes et en essayant de reconstituer quel mouvement était optimisé, s'il était initié par les hanches ou s'il était initié par les tarses, donc l'extrémité la plus distale des pattes. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui. Ouais. En gros, pour tout ce qui est locomotion d'insectes, biophysiciens et biologistes de pure souche vont main dans la main et il y a souvent des modèles mathématiques. Donc ça se trouve, il y a quelqu'un qui a un modèle mathématique pour expliquer pourquoi les pattes arrière des insectes sauteurs sont deux fois plus grandes que les pattes avant. Mais pour l'instant, je n'ai pas cette réponse. Mais je regarderai. Alors, donc là, on parle des pattes, mais pour sauter, certains insectes font leur intéressant et n'utilisent pas leurs pattes. C'est par exemple le cas des collemboles qui ne sont pas, pour être parfaitement exact, des insectes, parce que comme je vous l'expliquais dans le premier épisode de cette série, La croisière s'amuse, les insectes sont un groupe d'hexapodes et on les reconnaît au fait que leur bouche est composée d'appendices qui sont situés à l'extérieur. Or, ce n'est pas le cas des collemboles. Non seulement les collemboles ne sont pas des insectes, tout en étant tout de même des hexapodes, mais en plus, ils accomplissent des saltos arrière triplaxels à l'aide d'appendices abdominaux, et non des pattes. Ils possèdent en effet un petit levier à deux branches sous leur abdomen qui porte le nom de furca, fourche en latin. Alors j'aurais peut-être dû vous demander si tout le monde avait en tête ce que c'était qu'un collembole. Donc ce ne sont pas des insectes, mais ce sont donc des hexapodes tout petits qu'on retrouve souvent soit à la surface de l'eau, soit pour ceux qui ont des poubelles. Vous pouvez voir des sortes de petits animaux sauteurs minuscules, et si vous les regardez de tout près, c'est vraiment adorable comme petits animaux, et ils font partie de la faune détritivore, c'est-à-dire c'est ceux qui s'occupent de réaliser le humus en mangeant par exemple les feuilles qui sont tombées à par terre. Mais s'ils sont capables de sauter, c'est non pas grâce à leurs pattes, mais grâce à ce fameux organe dont je vous parlais, le levier à deux branches, qui se trouve sous leur abdomen. Au repos, cette furca est soigneusement maintenue par un second appendice abdominal qui est nommé le rétinacle et qui retient donc la furca. Et lorsque le rétinacle est retiré, eh bien un coup de ce levier suffit à les catapulter à 15 cm de haut dans les airs. C'est l'équivalent d'un humain sautant au-dessus de la tour Eiffel, en parenthèse. Et s'ils atterrissent à l'envers, eh bien ils ont aussi une façon originale de se remettre sur pattes, c'est qu'ils utilisent un appendice, le tube ventral, qui d'ordinaire leur fournit du liquide de nettoyage et qu'ils peuvent utiliser ici pour permettre de se retourner à l'endroit. Donc en fait, là on s'aperçoit que les collemboles utilisent tout sauf leurs pattes pour pouvoir sauter et qu'ils ont plusieurs appendices abdominaux qui ne sont pas des pattes et qui leur permettent de faire cette locomotion particulière. Mais parmi les insectes, le digne détenteur du titre de sauteur à la méthode la plus chelou revient au taupin. C'est un coléoptère en forme de fuseau qui a la particularité de sauter en étant allongé sur le dos. En anglais, ils sont connus sous le nom de click beetles parce que leur saut est accompagné d'un son qui évoque un clic, et je vais demander à Pascal de diffuser ce fameux son. Donc là, bon, c'est... on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a mis des gouttes de pluie sur un micro. C'est pas très très intéressant, ou quelqu'un qui fout des pichenettes sur un micro. Mais en fait, ce qui se représentait, c'est que la personne qui a fait cet enregistrement, elle a tout simplement pris cet insecte, l'a pris entre ses doigts, et que l'insecte se débat furieusement en faisant justement des va-et-vient avec son thorax et son abdomen. Et ce sont ces va-et-vient qui forment ces cliquetis qu'on a entendu à l'instant. Donc ce son qu'ils produisent, il est uniquement dû au mouvement qui succède la contraction entre leur abdomen et leur thorax. Quand ces animaux se sentent en danger, généralement ils plient leurs pattes et leurs antennes le long de leur corps et relèvent leur thorax vers le haut, une épine présente sous le thorax qu'on appelle la pointe prosternale, dans pointe prosternale, on reconnaît le mot sternum, comme chez nous, qui vient se placer dans une encoche située sous l'abdomen de l'animal, sous l'abdomen de l'insecte. Et si le danger persiste, eh bien le taupin appuie sur sa pointe à tel point qu'elle peut céder, comme une gâchette, et entraîner la production du clic retentissant qu'on a entendu à l'instant. Mais cela est souvent aussi accompagné par un bond prodigieux, quand même assez complètement impressionnant. Si vous avez jamais si vous avez l'occasion de voir un taupin sauter, c'est assez effarant la vitesse à laquelle ça va, et surtout les pirouettes que ça fait dans les airs. C'est un bond qui fait partir l'insecte en vrille dans les airs, et c'est la même chose lorsque le taupin se retrouve sur le dos, donc qui est une position qui est peu pratique et particulièrement vulnérable. Eh bien, avec son système, hop, il est dans les airs et il peut retomber encore sur le dos, vu qu'il contrôle pas du tout le nombre de pirouettes qu'il effectue, donc il peut faire ça plusieurs fois. Mais c'est déjà pas mal pour un insecte sans pattes de sauterelle. J'ai une question. Est-ce que le fait de faire du bruit comme ça en sautant, ça, enfin, du point de vue de ceux qui étudient le comportement de l'insecte, si ça a été étudié, ça a un avantage ? Le fait que le saut soit accompagné du bruit, ou que le bruit soit accompagné du saut ? Je pense que c'est concomitant. C'est-à-dire que le bruit est imposant, et ils sont capables de le faire alors qu'ils sont sur le ventre et non pas sur le dos. Et ils sont capables, si le bruit est assez intense, de faire une pirouette avant, arrière, etc., qu'ils soient sur le ventre ou qu'ils soient sur le dos. Donc c'est à la fois un bruit, une intimidation, et à la fois une fuite. Donc après, je ne sais pas si ça a été testé de manière rigoureuse pour déterminer si le bruit était suffisant ou si le saut était suffisant, mais je pense que le fait que ce soit concomitant, c'est un impact sur la prédation. Donc, tout ça pour un insecte qui n'a pas de pattes de sauterelle. Et en parlant de sauterelle, on va évoquer maintenant une espèce cousine, la courtilière, qui s'est spécialisée dans un mode de locomotion terrestre encore différent, le fouissage. Alors, si vous avez un jardin, il est probable que vous ayez déjà entendu parler des courtilières, parce que généralement, ce sont les insectes qui bouffent vos racines, vos carottes, etc., donc ça énerve un tout petit peu. Mais ce que vous auriez pu, vous, tout simplement, vous émerveiller sur le fait qu'un insecte, notamment un insecte adulte, avec des ailes, des pattes arrière adaptées au vol, adaptées au saut, etc., puisque c'est un cousin des grillons et des sauterelles, eh bien, vit non pas sur la terre ferme, mais dans le sol, puisqu'il fouisse le sol. Et pour fouisser, la courtilière, qui est aussi connue sous le nom de grillon taupe, eh bien, elle est munie de paluches antérieures qui ressemblent à des pelles, un peu comme une taupe. Donc, autant dire que un insecte qui ressemble à une taupe, moi, je suis fan. Le bricolage évolutif qui a permis cette ressemblance vient d'un raccourcissement et d'un aplatissement des différents segments des pattes prothoraciques. Alors, cela illustre, bien entendu, l'incroyable plasticité des appendices qui ont permis d'offrir à différentes espèces d'insectes des modes de locomotion inédits. Mais cela permet aussi d'évoquer qu'il y a probablement d'autres fonctions qui peuvent être obtenues par ces pattes, comme par exemple la prédation avec les pattes ravisseuses des mantes religieuses, la séduction avec des structures en forme de ventouses que possèdent certains mâles pour retenir les femelles au moment de la copulation, et même chez les ambioptères, c'est un groupe d'insectes très très particulier, des pattes associées à des glandes qui leur permettent de tisser de la soie. Alors, je vois qu'il y a une question de Gépif qui remonte de la chatroom. Dis-moi tout. Titi, dans la chatroom, dit que les collemboles maîtrisent tout ça. Et est-ce qu'ils maîtrisent leur saut ou est-ce qu'ils sautent aléatoirement ? Alors, de la même manière, donc, il y a deux insectes qu'on a évoqués là et qui n'utilisent pas leurs pattes pour faire leur projection dans les airs. Ce sont les collemboles et ce sont les taupins. Or, vu qu'ils n'utilisent pas d'appendice contrôlé, pour pouvoir réaliser ça, les sauts sont généralement des saltos vrillés qui vont dans n'importe quelle direction et advienne que pourra. Et généralement, je vous conseille de regarder des vidéos de collemboles qui sautent au ralenti ou de taupins qui sautent au ralenti, parce que la réception, c'est vraiment une perfection. Généralement, ils atterrissent sur leur tête, sur leur cul, à l'envers, sur le côté, etc., mais jamais sur leurs pattes. C'est vraiment une catastrophe. Alors, les collemboles, en plus, n'ont pas véritablement de chance, parce que les taupins, ce sont des insectes classiques, c'est-à-dire que en plus d'avoir des pattes, ils ont des ailes. Donc, en plein dans les airs, ils peuvent parfois avoir le temps de déployer leurs ailes et s'envoler un tout petit peu plus loin. Mais les collemboles n'ont pas d'ailes, ce ne sont pas des insectes, et ils se retrouvent généralement à se retomber sur la... à retomber lamentablement sur leur gueule, et puis c'est tout. Après ce rapide survol des locomotions terrestres des insectes, il serait de bon ton d'enfin les créditer pour leur mode de locomotion par excellence, le vol battu. Pour voler, contrairement aux vertébrés, les insectes ne sont pas dotés de pattes modifiées, mais de structures indépendantes, deux paires d'ailes qui sont en position dorsale, sur le méso et le métathorax. Donc encore une fois, il n'y a que le thorax qui contiennent les appendices nécessaires à la locomotion des insectes. Dans la partie ventrale, les pattes, sur le pro, méso et métathorax, et dans la partie dorsale, le méso et le métathorax portent les ailes avant et arrière. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas d'ailes sur le prothorax ? Eh ben, à vrai dire, on ne sait pas. Peut-être que les insectes auraient pu avoir trois paires d'ailes, ça aurait été stylé, mais il s'avère qu'à l'heure actuelle, eh bien, les insectes n'ont que deux paires d'ailes. Les insectes ailés appartiennent tous au groupe monophylétique des ptérygotes, ça veut dire qu'ils sont plus proches entre eux que de n'importe quels autres insectes, et cela signifie surtout que les ailes ne sont apparues qu'une seule fois au cours de l'évolution du groupe des insectes. Et ça, c'est hyper important. Qui plus est, ce sont les seuls invertébrés possédant ce genre de structure leur permettant le vol battu. On pourrait évoquer les scénarios évolutifs qui expliquent l'apparition de ces structures, mais ce serait à mon avis l'occasion d'un épisode dédié sur ce sujet, donc je me le réserve. Peut-être qu'avec Alexa, on aura le courage une fois de faire un épisode sur cette chose-là. Mais en gros... si je devais juste spoiler un tout petit peu ou pitcher l'épisode, une des hypothèses les plus en vogue est qu'il s'agirait de branchies dorsales modifiées qui ont permis le vol chez le groupe donc des insectes. Ce qui impliquerait qu'ils viennent tous d'un truc qui nageait. Alors, on sait, quoi qu'il arrive, que tous les arthropodes, à vrai dire, on sait que tous les animaux viennent d'un organisme aquatique. Chez les arthropodes, je vous ai dit tout à l'heure que les myriapodes faisaient partie des premiers qui avaient colonisé la terre ferme. Ça veut dire que les myriapodes sont apparus après l'émergence des premiers arthropodes. Ça veut dire que les tout premiers arthropodes, donc ces fameux animaux avec des pattes articulées, étaient aquatiques. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de groupes d'espèces qui sont restés aquatiques. On peut penser aux crustacés, qui sont des arthropodes aquatiques. On peut penser par exemple aux limules, qui sont des chélicérates, c'est-à-dire une espèce proche des insectes, proche des araignées et des scorpions, qui sont encore aquatiques. Mais ensuite, au sein des arthropodes, eh bien, il y a eu plusieurs colonisations de la terre ferme. Et le groupe des hexapodes, de manière indépendante, a colonisé la terre ferme avec de manière indépendante que le groupe des myriapodes et celui des chélicérates, c'est-à-dire des araignées et des scorpions. Donc il y a eu trois colonisations de la terre ferme indépendante chez les arthropodes. À vrai dire, il y en a aussi chez les crustacés, hein, les crabes, les cloportes, ce sont des crustacés qui sont adaptés à la vie terrestre sur la terre ferme. Mais parmi tous ces arthropodes-là, seuls les insectes ont développé. On a une question juste dans la chatroom écoutant. Est-ce que les triops, c'est de la famille des limules ? Non, les triops, c'est de la famille des malacostracées, donc c'est plus proche des insectes que des limules. C'est plus proche du groupe des crustacés, mais je vous avais expliqué à un moment dans un épisode précédent qu'au sein des crustacés, il y avait les insectes, en fait que les insectes, c'était des crustacés modifiés. Et donc les triops sont plus proches du groupe des crustacés insectes inclus que de tout autre arthropode, c'est-à-dire que des myriapodes ou des chélicérates, c'est-à-dire araignées, etc. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense. Mais c'est vrai que, alors je sais pourquoi il pose la question, c'est parce que quand on regarde le profil, la forme d'un triops, ça ressemble à s'y méprendre à des limules, et en fait, c'est encore une fois le coup de la convergence évolutive, c'est une ressemblance superficielle, de la même manière qu'il y a une ressemblance superficielle entre une chauve-souris et un oiseau, et qui n'est pas du tout une histoire évolutive avec un héritage d'un ancêtre commun qui était mi-chauve-souris, mi-oiseau. Pas du tout. Voilà. Alors, attention, avec tout ce que je vous ai dit, ça ne veut pas dire que si un insecte n'a pas d'aile, il n'appartient pas au groupe des ptérygotes. Comme avec les histoires que je vous ai peut-être déjà racontées sur les tétrapodes qui sont sans pattes, il y a certains groupes d'insectes qui peuvent avoir perdu secondairement leurs ailes. La puce, dont on a parlé plus tôt, c'est un exemple parfait d'un insecte qui appartient au groupe des ptérygotes et qui a perdu leurs ailes. Et qui plus est, de toute façon, de nombreux insectes passent la plus grande partie de leur vie sans ailes, puisque celles-ci ne font leur apparition qu'au stade final de leur vie, le stade adulte, ou imago, comme on dit chez les entomologistes, avec le vocabulaire que je vous avais déjà évoqué lors de mes deux précédentes émissions sur les insectes. Quand on pense au papillon, on pense rarement à la chenille. Mais pourtant, la chenille, c'est le papillon. Mais le papillon au stade larvaire. Et il n'a pas d'ailes. Vous ne trouverez jamais de stade larvaire possédant des ailes, à part une petite exception dont je vous avais parlé lors de l'émission sur les mues, celui du groupe des éphémères, dans lequel il y a un stade particulier juste avant le stade adulte, qui s'appelle le stade subimago et qui possède des ailes. Mais c'est vraiment une exception. Chez l'immense majorité des insectes possédant des ailes, c'est uniquement le stade adulte qui possède les ailes. Donc, qu'est-ce que c'est que fondamentalement des ailes ? Les ailes des insectes, ce sont de la cuticule, c'est-à-dire la structure externe qui couvre l'insecte et dont il se débarrasse à chaque mue. Pour être plus précis, ce sont deux couches de cuticules superposées qui enferment par un endroit des tubes creux, ce qu'on appelle les nervures, dans lesquelles circule de l'hémolymphe, l'équivalent du sang des insectes, mais qui peuvent aussi contenir des trachées, le système respiratoire des insectes, ou encore parfois des nerfs. Mais cela signifie donc qu'il n'y a pas d'autres organes dans les ailes, notamment pas d'épiderme et encore moins de muscles. C'est vraiment, faut s'imaginer, c'est un peu comme de l'éventail, quoi. Il y a, pour qu'un éventail fonctionne, il faut qu'il y ait la main, il faut que le muscle soit loin de, enfin, soit active l'éventail, sinon ça ne fonctionne pas. Il y a une question très intéressante de Gpif dans la chatroom qui demande est-ce qu'il y a des insectes qui ont gardé leurs ailes pour faire autre chose que voler ? Mais c'est une magnifique transition, ma foi, puisque nous allons parler d'une part du vol des insectes, mais aussi d'autre part de des différentes manières que peuvent utiliser les insectes pour exploiter leurs ailes, pour ne pas voler. Alors, d'abord, parlons du vol battu à part entière. En matière de vol, tous les insectes ne sont pas logés à la même enseigne. Déjà, il y a ceux qui ne peuvent pas replier leurs ailes au repos, comme les odonates, c'est le groupe dans lequel on retrouve les libellules et les demoiselles, ou les éphémères, dont le groupe d'insectes dont je vous ai parlé à l'instant. Leurs ailes sont juste disposées selon un axe du corps. Cela n'empêche pas à leur vol d'être particulièrement performant, et des libellules peuvent par exemple faire du surplace, ou encore voler en arrière, faire du moonflying si vous voulez, à l'instar du moonwalking de Michael Jackson. Cela montre juste que ces espèces n'ont pas bénéficié d'une innovation évolutive importante qui est caractéristique des insectes ptérygotes appartenant au groupe des néoptères. Donc néoptère, ça veut littéralement dire néo, nouveau, et ptère, les ailes, les nouvelles ailes. Alors qu'est-ce que c'est que ces nouvelles ailes ? Eh bien, l'ancêtre de tous ces insectes leur a transmis une invention de l'évolution qui permet à leurs ailes de se replier sur elles-mêmes et de pouvoir les ranger le long de leur abdomen, voire d'en faire des origamis pour certains insectes. Et quand je dis origami, c'est vraiment origami, c'est-à-dire qu'ils sont capables de les replier pour que ce soit empaqueté dans une partie du corps de l'animal. Comme chez les coccinelles ? Comme chez les coccinelles ou encore comme chez les forficules, vos fameux perce-oreilles qui sont capables de renfermer leurs ailes. Souvent, les personnes qui voient des forficules, des perce-oreilles, n'imaginent pas qu'il y a des ailes et pourtant, il y a bel et bien des ailes chez ces insectes-là. À vrai dire, donc, cette innovation évolutive de pouvoir plier les ailes, ça a été comme le coup de sifflet pour la nature, pour que la nature tente plein de trucs chelous sur les ailes de néoptères. En effet, chez beaucoup de lignées, une des deux paires d'ailes emprunte un chemin évolutif altérant drastiquement leur structure et leur fonction. Chez les orthoptères, donc, ces structures rigidifiées restent assez souples et ça donne ce qu'on appelle des tegmènes. Ces tegmènes peuvent intervenir dans le vol, notamment en guise de gouvernail, mais elles peuvent jouer des rôles inédits, comme celui de réaliser des sérénades. Donc vous aurez reconnu probablement le son des grillons. Et le son des grillons, en fait, il est réalisé grâce aux deux tegmen du grillon qu'il va frotter l'un contre l'autre, c'est le mâle hein, bien entendu qui fait ça, pour pouvoir réaliser sa sérénade ou parfois même essayer d'intimider des rivaux et leur dire c'est mon territoire, c'est ma meuf. Et il y a deux questions dans la chatroom sur les ailes. Est-ce que les ailes ont la capacité de se régénérer et est-ce que on peut réparer des ailes cassées de libellules ou de papillons? Alors pour la première question, vu que les ailes apparaissent au stade adulte, donc le stade imago. Ce stade-là, il n'y a plus de mue qui peut arriver juste après. Donc, de facto, puisque l'essentiel des propriétés régénératrices d'un insecte se fait entre les mues, eh bien, quand les ailes sont cassées, eh bien, c'est définitif généralement chez tous les insectes. À l'exception donc de ce que je vous avais expliqué pour les éphémères, puisqu'il y avait un stade subimago, mais même pour ces espèces-là, les ailes ont tendance à peu régénérer, donc c'est pas terrible. Par contre, à la question « peut-on réparer les ailes cassées des libellules ou celles des papillons ?», eh bien, je vous invite à aller sur Internet voir pas mal de gens qui... Il y a des cliniques pour insectes qui existent et certaines personnes très très bien intentionnées réalisent des réparations avec sur des ailes de papillons ou sur des ailes de libellules en utilisant soit du papier cuisson, du papier calque, voire des petites broderies pour permettre à ces animaux-là de recouvrer une forme de mobilité dans les airs. Et donc ça marche et c'est vraiment assez impressionnant. Moi, je ne pouvais pas y croire. Bon, il faut être un petit peu précis et à mon avis, vigilant de ne pas abîmer le reste de l'animal, mais c'est faisable. En effet, on peut réparer. Ça doit être tellement minutieux, c'est encore pire que faire du tricot ou de la broderie. Ah, clairement, ouais, moi j'avoue que j'aurais pas la patience et surtout, sachant que généralement ces insectes ont pas une durée de vie immense au stade adulte, faut être assez motivé. Mais bon, ça vaut le coup et à mon avis, vu la menace qui pèse sur ces animaux, il faudrait peut-être tenter de les protéger au mieux. Alors, donc, on a évoqué les fameux tegmen des orthoptères. Par contre, chez les coléoptères et la plupart des hémiptères, donc, vous vous rappelez, coccinelle, scarabée, etc., et de l'autre côté, hémiptère, les punaises. Chez ces insectes-là, la sclérification des ailes est autrement plus importante, et on passe d'une texture comme du cuir, qui existe chez les tegmen, à une texture beaucoup plus dure, comme de la carapace pour les ailes antérieures modifiées des coléoptères et des hémiptères. Alors, chez les coléoptères, on appelle ça des élytres. À noter que chez les hémiptères, vu que ce sont juste la moitié des ailes qui sont sclérifiées, on dit que les hémiptères sont dotés d'hémélytres. Et vous pourrez remarquer l'étymologie. Hémiptère, ça veut dire moitié d'ailes. Et hémélytre, ça veut dire moitié de élytres, ces fameuses ailes sclérifiées. Alors, cette rigidification leur confère surtout un rôle protecteur. Vous pouvez voir la carapace dorsale d'un scarabée. C'est en fait constitué essentiellement d'ailes modifiées. Donc un des rôles, c'est tout simplement de protéger les ailes postérieures qui sont cachées sous les ailes antérieures qui sont devenues rigides. Alors d'autres insectes ont des ailes de différentes tailles, hein. C'est le cas des hyménoptères, abeilles, guêpes, fourmis. Alors les fourmis peuvent voler, hein. Vous avez peut-être déjà vu des phénomènes d'émergence de fourmis ailées qui sont les princes et les princesses, donc le stade reproducteur et la caste reproductrice de certaines fourmis. Et chez ces insectes-là, les ailes antérieures sont accrochées aux ailes postérieures. Chez les lépidoptères, les papillons, papillons de jour, papillons de nuit, il y a deux ailes qui sont de formes bien différentes. Leur vol possède un je ne sais quoi de plus virevoltant. Et puis enfin, il y a les diptères, les mouches et les moustiques, et qui, comme leur nom l'indique, eh bien, ont seulement une seule paire d'ailes. Et la paire postérieure est toute rabougrie et forme ce qu'on appelle des haltères. Et chez les diptères, ces haltères, donc ce sont des ailes rabougries qu'ils utilisent comme des gyroscopes. Donc ce sont des sortes de vestiges d'ailes, mais qui ont accumulé énormément d'organes sensoriels qui leur permettent de donner énormément d'informations sur leur vol et donc de stabiliser leur vol. Du coup, les diptères réalisent des cabrioles aéronautiques très rapidement, ce qui ne facilite pas du tout leur écrabouillage. Hein. C'est ça qui fait que souvent les moustiques, c'est un peu difficile à zigouiller. Bon, donc on a vu les insectes qui font... On a vu les insectes qui font... Mais est-ce qu'on a fait le tour ? Que nenni ! Il nous manque les insectes qui font... En effet, les insectes nageurs. Ça, ça pourrait peut-être vous surprendre, mais comme à chaque fois, il y a toujours un groupe d'insectes qui font leur malin et qui décident non pas de marcher sur la terre ferme, ni de nager dans l'eau, mais de marcher sur l'eau. Alors, qui sont donc... Miracle, crieront certains, mais quand on pèse en fait quelques grammes, on a plus de facilité pour tenter sa chance. Du coup, certaines adaptations évolutives ont permis à des insectes de venir patiner gracieusement à la surface de l'eau. C'est le cas, donc peut-être de vous connaissez donc des insectes patineurs. Les plus connus, ce sont les géridés, qu'on appelle souvent, mais à tort, les araignées d'eau, ce ne sont pas des araignées, ou les puces d'eau, ce ne sont pas des puces, alors qu'elles appartiennent au groupe des hémiptères, donc des punaises, on devrait dire donc les punaises d'eau. Pour patiner ainsi, les géris profitent de deux phénomènes physiques, la tension de surface et l'hydrophobicité des soies qui garnissent leurs pattes. C'est un tout petit peu bof clair là, donc en fait ce que je vais vous proposer c'est de détailler un tout petit peu ces deux phénomènes physiques pour comprendre réellement ce qui est en jeu dans la prouesse que réalisent les punaises d'eau qui restent sur la surface de l'eau. À chaque fois qu'il y a un plan d'eau, une rivière, un lac, la mer, votre ver à dents, eh ben, il y a une interface entre l'eau et l'air, et à cette interface, les molécules d'eau qui s'attirent entre elles forment une sorte de pellicule du fait qu'elles sont plus attirées vers le reste de leur petite copine dans l'eau que vers l'atmosphère. Du coup, ça crée ce qu'on appelle une tension. C'est vrai que c'est tendu, des molécules d'eau qui restent en groupe comme ça sans vouloir aller voir les molécules gazeuses de l'air. On appelle ça une tension superficielle. Cette tension peut exercer une force suffisante pour maintenir à la surface des objets plus denses que l'eau. Ensuite, les longues pattes des géris vont leur permettre de répartir au mieux leur poids pour que la tension de surface puisse faire parfaitement effet. Pour se rendre compte de l'importance de la tension de surface, on peut prendre des géris, les déposer sur un bol d'eau et y déposer une goutte de savon. Donc le savon est composé de tensioactifs qui font diminuer la tension de la surface de l'eau. Le résultat, c'est radical, les géris se noient au fond de l'eau. Donc en fait, c'est une expérience à ne pas reproduire à la maison, bande de vauriens. En plus, le moindre surplus de poids pourrait compromettre cet équilibre de force. Et si le géris venait à être mouillé, bah ça rendrait pas les choses. Du coup, l'intégralité de son corps est recouvert de milliers de petits poils, ce qu'on appelle des soies chez les insectes, des soies hydrofuges qui font fuir l'eau, des milliers par millimètre carré pour éviter de se mouiller. Donc en gros, il faut retenir que hydrofuge, ça veut dire anti-mouillé. En plus, si le géris venait à être immergé, les soies emprisonneraient des bulles d'air qui permettraient à l'insecte de rejoindre très vite la surface. Donc c'est vraiment pas mal fait la niture à ce niveau-là. Les soies qui sont à l'extrémité des pattes des géris sont spécialisées certes à la fois à l'hydrophobicité et à une augmentation de la surface pour répartir le poids du patineur. Alors maintenant, pour patiner, comment qu'on fait ? Eh ben c'est sioux, les amis. Les pattes médianes vont servir d'aviron et les pattes arrière de gouvernail. Les tibias des pattes médianes frappent rapidement la surface de l'eau. Et le géris utilise ses griffes pour accrocher la crête de la petite mini-vague qui vient de se réaliser pour se propulser vers l'avant. Alors ça n'a pas l'air efficace comme ça, mais un géris peut patiner à la vitesse d'un mètre par seconde. Hein, c'est pas Candeloro qui patinerait si bien. Alors certes, les géris sont des patineurs hors pair, mais ils n'ont pas l'exclusivité de la patimare. Vous vous souvenez des grillons taupes ? Eh bien, certaines espèces de grillons taupes, qui portent le nom de Xia, ces espèces de grillons taupes savent également très bien déambuler sur l'eau. Alors ça, c'est un tout petit peu impressionnant à voir. Ce sont donc des insectes qui ressemblent à la fois à un grillon, à la fois à une taupe, et qu'on voit fréquemment déambuler sur la surface de l'eau. Elles appartiennent au groupe des tridactyloïdés, qui est en fait assez éloigné des grillons taupes que je vous ai présentés précédemment, mais qui appartiennent tout de même au groupe des orthoptères. Donc, je ne vous raconte pas exactement comment cette espèce est un bijou paradoxal. Et pourtant, elles ont le même look en fait, que les grillons taupes, tout en étant capables de sauter sur la surface de l'eau. Autre paradoxe, cette espèce qui parfois pose le bout de ses six pattes sur l'eau ne patine pas, en fait, véritablement, elle bondit. Donc, si vous avez bien retenu, ce sont des grillons taupes, donc avec des pattes postérieures qui permettent de sauter. Et elles utilisent ces pattes postérieures non pas pour sauter sur la terre ferme, mais pour sauter littéralement sur l'eau. Alors, je vous propose encore plus surprenant pour des insectes qui n'osent pas véritablement rentrer dans l'eau, mais qui sont capables de déambuler sur l'eau. Il y a une fourmi qui porte le nom de Polyrachis sokolova, et elle ne patine pas sur l'eau, elle ne saute pas sur l'eau, elle réalise une brasse à six pattes. Elle est capable de véritablement nager sur l'eau. Alors, ces fourmis, elles existent dans la mangrove d'Australie. Et parfois, y a souvent dans la mangrove des va-et-vient d'eau. Et généralement, la tension de surface de l'eau supporte le corps de ces fourmis, tandis qu'elles dansent pour la traverser. Mais parfois, elles nagent. Et il y a eu effectivement... Des nombreuses observations de ce genre de fourmis qui sont capables d'utiliser leurs trois paires de pattes pour pouvoir traverser des étendues d'eau assez rapidement. Dernier type de locomotion de notre série, la nage véritable. Et pas la brasse hein, comme Polyrachis sokolova, mais de la vraie nage plongée. Il y a des insectes, comme je vous l'avais expliqué dans mon article sur la respiration des insectes, qui sont capables de véritablement respirer sous l'eau. Et le fait qu'ils utilisent un système de trachée restreint leur possibilité de visiter le monde aquatique, puisque c'est un système qui est par essence un système favorisant la respiration aérienne, donc sur la terre ferme. Mais nombreuses sont les espèces qui emportent des réserves d'oxygène et peuvent ainsi rester sous l'eau, comme par exemple la notonecte qui nage sur le dos, et le ditique, un coléoptère, qui nage sur le ventre. Donc c'est encore un coup de la convergence évolutive. Ce sont deux groupes d'espèces appartenant à des groupes différents et qui possèdent des pattes arrière très développées, munies de nombreuses et longues soies qui augmentent la surface en contact de l'eau et qu'elles utilisent comme de véritables palettes natatoires, comme de véritables rames. Et j'avais déjà utilisé cette même idée quand je parlais sur mon propre blog des palettes natatoires qu'on peut retrouver par exemple chez les cétacés, etc. Et vu que nous avons fait un tour assez exhaustif et que ça fait quand même pas mal de temps que je parle, je vous propose d'arrêter là mon exploration de la locomotion des insectes qui, pour résumer cet épisode de la manière la plus courte possible, font bzzz, ou font blablabla. Je pense que c'est assez bien résumé, c'est un récap efficace. Donc il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui sautent, il y a ceux qui utilisent leurs pattes pour autre chose que marcher et sauter, et il y a ceux qui nagent, si je devais et il y a ceux qui volent, évidemment. Et il y a ceux qui volent, bien entendu. Oui, c'est bien résumé, bravo, félicitations. Alors, j'ai pas parlé de mode de locomotion exotique. Il y a des nages qui sont effectuées, mais sans utiliser ni les pattes, ni les ailes. Je l'avais évoqué un tout petit peu dans l'épisode sur la respiration, mais il y a chez les larves de libellules, il y en a certaines qui utilisent leur système respiratoire, c'est-à-dire ce sont des larves qui, il faut le rappeler, respirent par l'anus, et donc en prenant de l'eau dans leur ampoule rectale, elles sont ensuite capables de le propulser, et donc elles sont capables de se propulser à l'aide de l'eau qu'elles ont avalée à travers leur cul. Et chez les larves de demoiselles, c'est le groupe frère des libellules, ces larves sont dotées de sortes de branchies qui sont à l'extrémité, donc des branchies anales, et qu'elles agitent pour pouvoir nager un tout petit peu comme des têtards. Donc il y a d'autres manières aussi de nager dont j'ai pas parlé, mais voilà, brièvement je vous ai fait un petit aperçu des modes de locomotion chez les insectes. Voilà. Il y a des questions de pure curiosité qui sont très intéressantes. Le geek demande quel est le record connu du nombre de pattes pour un arthropode. Alors ça doit être nécessairement chez les myriapodes. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des espèces fossiles dans lesquelles il y a plus de pattes que les espèces actuelles. on va dire plus de 50, mais je pense que c'est plus, mais voilà. Chez les myriapodes, donc les fameux millepattes et centipattes, il y a des espèces qui ont beaucoup, beaucoup de pattes, notamment chez les diplopodes, les yules, le groupe comme ça dans lequel on a beaucoup de pattes, et je pense que le record, ça doit être au-dessus de 50 pattes. Il faudrait que je confirme, j'arriverai avec une réponse. Mais il n'y en a jamais 1000, contrairement à ce qu'on vous a fait croire toute notre vie. On est d'accord. Tout à fait. Mais moi, je n'ai jamais cru ça. Et est-ce qu'on mange les pattes des insectes comme on mange les pattes de grenouilles? Ben, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, peut-être chez les orthoptères, il y a un tout petit peu de muscles. Notamment dans le fémur et le tibia de ces insectes, il y a du muscle qui est accumulé. Mais généralement, l'essentiel des muscles qui permettent de bouger ces pattes se retrouve dans le corps de l'insecte et non directement dans les appendices. C'est vraiment plutôt comme des pivots. Mais je pense que ça doit se manger. Hein, si on prend, je sais pas moi, un énorme phasme. Voilà. Ouais. Pourquoi pas? Serait comme les pattes des homards, tu vois. Bon, c'est pas ma partie préférée chez le homard. Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Je lis sur insectes.org que le record est de 752 pour un mille pattes qui vit en Californie, mais j'arrive pas à trouver le nom de l'espèce. Oula, 750. Ouais. Ah ouais, ça fait beaucoup. Hein. 750, ça me paraît dingue ça. Ouais, bon, je regarderai, j'arriverai avec ça. Mais c'est vrai que je devrais préparer ce genre de petites anecdotes. C'est quand même assez pratique. Yes. 150, ça s'appellerait l'acmé plénipes. Un mille pattes blanc qui vit dans une zone réduite du nord de la Californie et qui a un record de 750 pattes pour certains spécimens, mais en moyenne 600. Oui, alors parce que chez les myriapodes, il y a des mues qui se font tout au long de la vie, possibilité de régénération et donc possibilité d'ajout de segments chez ces espèces-là, ce qui complique un tout petit peu l'estimation. Putain, ah oui, merde. Ah, je suis tombé sur l'image. Ah oui, d'accord, ok, c'est pas de la blague. Hein. Alors... On en trouve peu. Il y a seulement 17 spécimens de cette espèce qui ont été récupérés dans des collections d'histoire naturelle. En effet, il y a une estimation à 750 pattes. Voilà. Je ne l'aurais point cru. Même Pierre Kerner, on apprend tous les jours sur les insectes. Ouais. Bravo, Léa. C'est des myriapodes, pardon. Donc non, pardon, je n'ai pas appris des choses sur les insectes. Hein. Excuse-moi. C'est clair, il y a quelqu'un qui s'émeut de comment ne pas s'en mêler les pinceaux et s'en mêler les pattes avec autant de pattes. À mon avis, ça doit être assez compliqué. Il y a des engrenages, je pense, entre les pattes. Qu'est-ce qu'on passe au pitch de la semaine prochaine? Volontiers. Alors, la semaine prochaine, eh bien, nous allons changer complètement de sujet parce qu'on va parler, d'un physicien qui n'est pas tellement connu, finalement. Enfin, pas assez, en tout cas. Que les experts en physique des particules connaissent quand même probablement parce que après des décennies, ces travaux, en fait, s'avèrent à nouveau particulièrement remarquables. Et c'est quelqu'un qui a disparu mystérieusement très jeune, alors que ses pairs reconnaissaient quand même bien son génie. Donc, grâce à notre invité Niels Barellon, nous allons passer un moment avec Ettore Majorana. Je ne sais pas si on dit comme ça, probablement pas. Et on va donc redécouvrir ensemble l'ampleur de ce génie et on verra aussi son mal de vivre, en fait. Voilà, donc on aura un invité avec nous, Niels, qui viendra nous parler d'Ettore. Est-ce qu'on a une citation ce soir? Aïe, aïe, aïe, comme il est grillé. Ah non, mais... Hein? Bon, t'as une excuse quand même. Non, mais bon, j'ai mis Michel Leeb. Alors voilà, ma citation. Ma citation, ce sera. Voilà. Voilà, à méditer. Ah non. Ou bien, je peux citer mille et une pattes. Je suis un chêne papillon. Voilà. À réfléchir. Il y a un message caché là-dedans. Non. On va se casser la tête, là. Excellent. Bon, bah alors, du coup, on va passer au quiz. Eléa, tu nous rappelles le quiz? Oui, donc je vous rappelle que le prochain quiz auquel vous devez vous atteler et auquel vous pouvez nous envoyer des réponses, c'est le suivant. Les abeilles des champs vivent-elles mieux que les abeilles des villes? Est-ce une info ou est-ce une intox? C'est à vous de répondre. Vous pouvez nous envoyer votre message par mail à podcastscience@gmail.com ou sur tous les réseaux sociaux où nous sommes représentés. Voilà. Voilà, envoyez-nous vos résultats d'expérience surtout. Alors, on avait eu une sorte de mini-polémique au précédent épisode, je l'ai entendu, je l'ai écouté là, en podcast il y a peu de temps, sur qu'est-ce que ça veut dire vivre mieux, etc. Mais et moi, oui. Je pense que laissons aux auditeurs le soin de déterminer ce qu'ils veulent pour le quiz est ce qu'il est, et puis voilà. Je suis d'accord, Pierre, je trouve que cette phrase devrait être sujette à une libre interprétation des auditeurs et des auditrices. Voilà. Si c'est les abeilles vivent avec des saunas dans les villes alors que ce n'est pas le cas dans les champs, ben voilà. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, on en arrive à la fin de cette émission. Merci, Pierre. Et donc, voilà, petit pas par petit pas, nous y sommes arrivés. Voilà. Alors, donc, la semaine prochaine, nous marcherons dans les traces d'Ettore Majorana. Et nous ne resterons certainement pas neutres en entendant son histoire de particules. D'ici là, donc, pensez aux quiz. Ne cogitez pas sur notre côte parce qu'il n'y en a pas. Envoyez-nous des petits mots et on se retrouve la semaine prochaine avec notre invité Niels. Et d'ici là, n'oubliez pas que servir la science soit votre joie. J'ai trouvé du vomi de chat juste à côté de moi. T'es sérieux? Je peux attester, mon chat m'a vomi. Oh, c'est dégueulasse. Donc Pierre Carnet est en train de nous montrer du vomi de chat dans sa main. Parce que nous, on a la vidéo, mais vous, vous n'avez que le son. Du coup, je vais vous faire une audio description. Donc, je suis désolé, mais je sentais un truc qui me mouillait les fesses depuis tout à l'heure. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?